Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui Michel Leclerc. Bonjour Michel. Bonjour Sarah, bonjour Fadjet. Je suis ravie que tu aies accepté de venir aujourd'hui parce que c'est un vrai challenge. Nous allons parler de photos à la radio. Alors, je suis un petit peu intimidée aussi, quand même, il faut le dire. Donc, on va suivre le schéma habituel de l'émission Caprice de lecture. Il y aura 5 questions. Il y aura des petites coupures musicales que tu as choisies, Michel, justement, mm-hmm. pour que ça révèle aussi un petit peu le côté de ta personnalité. Et puis, on parlera à la fin donc, du caprice de la semaine. Alors, on commence tout de suite, Michel. Michel, comment t'es venue la photographie ? Est-ce que c'est une passion qui est devenue un métier ? Est-ce que tu as eu une formation ? Je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit « je fixe l'instant dans l'éternité ». Ça, j'ai retenu, parce que j'ai trouvé ça magnifique. Je faisais effectivement des photos dans un lycée bien connu de Nancy. Et puis, au fil des années, je suis devenu ami avec un prof de philo. Et quand il m'a vu, comme on se voit une fois par an depuis 20 ans, 30 ans, il me dit « alors, ça va, tu vas bien ?» Et je lui dis « oui, mais ton métier de philo, c'est difficile pour les enfants, avec l'actualité, avec tout ça. » Et il me dit « toi, ce qu'il y a de bien, c'est que tu fixes le temps. » Alors que lui, dans son métier, c'est… Le temps qui passe. C'est le temps qui passe. Ouais. Ouais. J'ai bien aimé cette rencontre d'idées comme ça. Ouais. Ok. Il faut réfléchir. Oui, tout à fait. Tu étais venu donc pour parler de ton dernier livre qui s'appelle Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour aux éditions Grund. Et alors, ce sont des photos que tu as effectuées, toi ? Exactement, oui. Ça a démarré en 1969 à Besançon grâce à la rencontre de Jean de Gribaldi qui était à l'époque un ancien coureur cycliste qui a créé son équipe dans le Tour de France. D'accord. Et qui a été à une époque où Johnny était soldat à Offenburg, un peu, c'est ce qu'il disait, le papa de Johnny, parce qu'il allait le chercher en avion à Offenburg. Et il se trouve que moi, j'ai rencontré Jean de Gribaldi quand j'ai fait les Beaux-Arts en 68. Ok. Et il avait un magasin donc à côté des Beaux-Arts. Et puis un jour, je suis rentré, puis… Il aimait beaucoup les jeunes sportifs et les artistes. Et il m'a dit, si tu veux faire des photos, j'achète des coureurs pour mon équipe dans le Tour de France, tu viens faire des photos. Et donc, je l'ai connu comme ça. D'accord. C'est comme ça que j'ai pu photographier le record de l'heure de Jacques Anquetil. Ouais. Et puis, la chance m'a souri, puisqu'il m'a dit, je fais venir Johnny Hallyday à Besançon. C'était en 69. Et tu étais déjà hyper fan. Il m'a dit, bah, viens. Alors, t'étais un grand fan. C'était un rêve magnifique pour moi de le rencontrer. Mais c'est le point de départ, en fait. D'accord. Besançon, 68. Et donc, l'histoire a démarré là, oui. D'accord. Alors, c'est un livre qui est sorti, tu me disais, en octobre ? En octobre 2021, par Grut, l'éditeur. Oui. Et moi, en ce qui me concerne, je suis avec une agence où j'ai signé un contrat avec AKG Images, qui est d'accord. donc une agence européenne, où ils sont 8 en France, 8 en Angleterre et 50 en Allemagne. Mm-hmm. C'est dirigé par Thomas Pey. Et Thomas Pey, un jour, a vu mes photos au travers de publications d'Universal Music. Ouais. Et il m'a appelé en disant « je veux vous rencontrer, j'aime vos photos ». Alors l'histoire est partie comme ça. Ah, c'est chouette. C'était les années Covid, donc on ne pouvait pas beaucoup se déplacer. Mmh. Et il m'a dit « je vais te présenter quelqu'un qui est ton pendant à l'écriture, ce que toi tu as en photo, et lui il écrit ». Et c'était Jean-François Chenu, donc… Qui est donc co-auteur, parce que c'est lui qui a fait les textes, oui. C'est ça, du livre. Alors Jean-François Chenu, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est lui qui a trouvé ce magnifique titre, je trouve, parce que… Sa plus belle histoire d'amour, il fallait déjà y penser. C'est vrai que c'est son public. Oui. Et Jean-François, il a donc trouvé ce titre et puis il raconte l'histoire comme personne, en fait. Oui. Donc, on ne se connaissait pas du tout. On a travaillé par vidéo. C'est pas toujours facile. Pendant deux ans, oui. C'est très compliqué. Et puis après, il a fallu choisir 150 photos parmi 4000. Et comment tu fais alors pour choisir sur 4000 photos C'est là où Thomas Pey de AKG est venu plusieurs fois à Nancy. Ouais. Et puis on a pris des loupes, des tables lumineuses. On a examiné les négatifs. Il y avait des négatifs 6-6 faits avec justement des appareils de l'époque. D'accord. C'était un Hasselblad. Ouais. Donc l'Hasselblad, on parlait photo, mais c'était très gros boîtier, très lourd. Hasselblad, c'est la marque qui a fait les premières photos lunaires pour la NASA. D'accord. Et donc, moi, je m'étais équipé du meilleur des appareils de l'époque parce que finalement, une bonne photo, c'est un coup d'œil plus un moyen technique. Et quasi instantané. Voilà, voilà. Ouais. C'est un peu comme, j'ai eu l'occasion de faire le mariage de Sébastien Loeb, mais il a un talent formidable, oui. Mais il faut toujours qu'il ait la meilleure voiture pour exprimer son talent. Ben nous, c'est un peu pareil, il faut le talent, il faut le meilleur des boîtiers. Et puis ça se passe en un quart de seconde. Ah oui, il faut... Que ce soit instantané, quoi. Oui, c'est instinctif, ouais. C'est... Il faut déclencher à la seconde près, quoi. Michel, il y a une photo... Voilà, que tu m'as montré juste avant qu'on démarre cette émission. Et tu me disais, mais ça, c'est une photo très christique, quelque part. C'est une photo de Johnny, donc lui, c'est une ombre, hein, en fait, sur la photo. C'est une photo double page, avec un fond noir, et puis on a une espèce... Il a les bras en croix, et puis on a une lumière comme ça, un petit peu oblique, qui vient sur lui. Oui, les éclairages sont de Jacques Rouvérolis, et je pense que Johnny Hallyday, il a souvent chanté des choses mystiques, des chansons sur Dieu, sur Jésus. Sur, bon, moi, à l'époque, c'est vrai que dès 69, 71, quand il faisait le Johnny Circus, il a très souvent porté une croix. Puis une grosse croix, c'était pas un oui, truc très, oui, oui. Donc, très discret. On réfléchit, moi, à 17, 18, 20 ans, j'ai jamais réfléchi à ça, mais je voyais cette image que j'aimais bien, qui était dans un esprit de pureté, finalement. Oui. Et c'est vrai qu'il l'a gardé toute sa vie, mais quand il chantait « Marie », je pense que la plupart des fans n'ont jamais vu une allusion à Marie. Oui, la Vierge Marie. La Vierge Marie. Oui. Mais qu'en même temps, il y a peut-être un double sens. Et je trouve que cette photo-là va dans ce symbole que moi j'appelle un peu christique. Il faudrait que j'interroge Jean-François Chenu pour qu'il, oui. qu'il me dise, belle, hein. qu'il valide ou qu'il me dise non, là oui. tu exagères. Alors là, on parle du photographe Michel Leclerc. On parle du professionnel Michel Leclerc. Est-ce que tu peux nous dire un peu, mais... Parce que voilà, tu as été photographe, on peut être photographe d'une star sans forcément être... Toi, t'es passionné Johnny Hallyday. Oui. Alors, du début à la fin, tu es passionné Johnny Hallyday. J'étais toujours, finalement, fidèle à mes amours de départ, la photo, et puis Johnny Hallyday, c'est vrai que c'est un exemple, ouais. Mais en tout cas, c'est comme ça, oui. C'est un peu le porte-voix de la jeunesse, quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça vient souvent des États-Unis, les modes, on dit... Il y avait James Dean, il y avait Elvis, et Johnny, ouais. tout jeune, a été impressionné, il a trouvé une sorte de chemin quand ouais. il a vu La Fureur de Vivre ou À l'Est de l'Éden de James Dean. Il s'est retrouvé et il l'a transmis aux jeunes Français. Et puis, moi, je m'y suis retrouvé. Tu t'y retrouvé aussi. Ouais, c'était voilà. une image de liberté, quelque part. Oui, parce qu'à l'époque, on n'était pas forcément bien écoutés par les parents. Ouais. Les jeans, avoir des pattes sur à la western ou porter des jeans ou des blousons de cuir, les aînés n'aimaient pas ça. Oui. Donc ceux qui l'ont porté au début, c'était des gens comme James Dean, comme Johnny Hallyday. Des rebelles quoi. Voilà, ah des oui, rebelles. Des rebelles. Rebelles sans cause. Ok, on va faire une coupure musicale, on se retrouve juste après. Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche? Et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. « qui a marché dans ce chemin. Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoires. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé? Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission Caprice de lecture, toujours en compagnie de Michel Leclerc. Michel, j'avais une petite question à te poser. Tu as été photographe de Johnny pendant de nombreuses années. Tu es photographe professionnel. Comment tu choisis tes sujets? Alors, en dehors de Johnny, des sujets de paysages, de personnages. C'est-à-dire qu'il y a la partie professionnelle où on me demande d'illustrer, par exemple, prochainement, je dois faire un reportage sur l'Institut des Sourds où il y a des nouveaux locaux. D'accord. Et là c'est un sujet qu'on m'impose et je dois y apporter ma patte créative. Ok. Donc ça s'appelle un challenge parce que c'est justement dans des moments comme ça où le photographe que je suis, il doit faire quelque chose de différent de ce que feraient les autres. Et moins avec sa sensibilité, du coup. C'est-à-dire qu'il faut prendre le sujet, mais il faut y apporter quelque chose de plus, okay. soit par un objectif un peu spectaculaire, soit par des effets de lumière, tout en restant aussi classique, parce que ça dépend des sujets. Mais à chaque fois, ma tante Michel Bastien m'avait dit, il y a une phrase qui tirait bien, c'est la photographie et l'écriture de la lumière. Ah, c'est vous aussi, oui. Alors là, on se rejoint. Oui, parce que... complètement. Parce que c'est une phrase qui explique bien mon métier et puis celui d'autres photographes. J'adore cette expression. Alors, il faut écrire, effectivement. Il faut qu'une image parle toute seule, pratiquement. Et l'intérêt d'une image, c'est qu'elle est universelle parce que... Et intemporelle, oui, du coup. Mais si on... Celui qui ne parle pas anglais, il peut comprendre une de mes photos ou chinois, simplement en la regardant, alors que c'est parce que dans une photo, il y a une image, il y a de la couleur ou pas, mais il y a aussi une sensibilité à faire passer. C'est ça qui est intéressant. Je pense que le monde entier, dans n'importe quelle langue de chaque pays, quand on se souvient de cet Afghan aux yeux verts, que tout le monde a vu, qui a été de Steve McCurry, je crois. Mon fils Cédric me corrigera si je me trompe. Mais je crois que c'est lui qui me l'a fait découvrir, d'ailleurs. Steve McCurry, il a fait cette photo qui est mondialement connue. Et n'importe quel homme du monde qui ne parle pas la même langue peut la comprendre sans rien dire. Exact. La photographie et l'écriture de la lumière. Ouais. Ah, c'est chouette. Dis-moi, Michel, pour toi, c'est quoi ta plus belle photo? Par rapport à mon livre N'importe. Ou par rapport à ton livre, ou une photo que tu as pu faire, ou qui te marque, ou un souvenir, ou voilà. Si on parle du livre, parce que c'est un peu l'actualité, on a déjà parlé de la photo christique, mais c'est vrai que le point de départ d'une photo importante, sans qui le livre n'aurait pas existé, c'est cette photo que j'ai eu l'opportunité de montrer à Johnny Hallyday en 1978. Et à la sortie d'un concert, les organisateurs m'avaient invité au restaurant. Moi, j'avais à l'époque un laboratoire couleur, donc je tirais des photos de la nuit pour le lendemain. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à Nancy dans un restaurant. Et je lui ai dit, j'ai fait des photos des spectacles d'hier, d'avant-hier, et je vous les offre. Ouais. Il les a regardées, et puis il s'est arrêté sur une photo où il a un costume noir... lamé, argent, avec des rayures verticales, une guitare blanche. Et il se coiffe à la Elvis Presley avec un peigne bleu. Il m'a dit, celle-là, je la veux pour une pochette de disque. Alors, tout content, je lui ai dit, je vous les offre. Et la suite de l'histoire, c'est qu'il s'est passé 35 ans. Il faut être coriace dans ce métier. Hein. C'est clair. Ça demande de la pugnacité. Hein. Et puis un jour, je reçois par la poste une enveloppe avec la photocopie de ma photo en noir et blanc. Et on me demande, est-ce que vous êtes l'auteur de cette photo? Bah, j'ai dit oui. Ah, oui. C'était Universal Music, Paris. Okay. Ouais. Et donc, avec ma femme, on y est allé, puis on les a rencontrés, puis ils ont acheté certaines photos pour des DVD, des livres CD. Ouais, il y avait beaucoup de livres autour de Johnny aussi, oui. Après, des biographies, ouais. Des choses comme C'est-à-dire ça. C'est-à-dire qu'Universal Music avait sorti un livre avec 8 CD dedans. Et cette photo-là, que Johnny avait repérée, bah, elle est dans ce D'accord. premier coffret CD. Comme quoi, c'était aussi un clin d'œil, même 35 ouais, ans après. C'est grâce à lui. Hein. Ouais, c'est chouette. C'est une belle histoire, je trouve. Un de mes plus grands regrets, c'est effectivement de ne pas pu lui avoir, de ne pas l'avoir offert. Ouais. En lui disant, bah voilà. C'est mon cadeau, enfin voilà, ouais, je vous ai suivi pendant hommage, des décennies. Quoi, un hommage photographique. Moi, voilà. Bon, je pense que de là-haut. Mais bon, son fils, David, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui offrir des photos un jour à Amnéville. J'avais également fait des photos de sa maman, Sylvie Vartan. Mm-hmm. Et donc, au cours de la rencontre, toujours avec mon fils Cédric, on l'a rencontré, puis je lui ai offert les photos. Il était extrêmement touché. Il a dit, je vais les mettre dans mon studio. Et c'était un bon moment, mais parce que pour moi, si vous voulez, les liens du sang, c'est Johnny qui a un fils qui s'appelle David, qui chante et puis qui a la même envie que lui, finalement, ouais. Dans un autre style, mais qui est vraiment bien, je trouve. Ouais. Ouais. Ok. Oh, c'est chouette. C'est une belle histoire. Je vous propose une coupure musicale. On se retrouve juste après pour la dernière question. C'est chaud, hein? Oh! Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième partie d'émission, toujours en présence de Michel Leclerc. Michel, est-ce que tu as d'autres ouvrages ou d'autres projets en cours autour de la photo ou sur d'autres thèmes? Alors, avec Thomas Pays d'AKG, on a beaucoup d'idées, on a des projets. Et puis là, on fait un petit break, une sorte de bilan pour voir où on en est. Mais effectivement, on a pas mal d'idées et de projets en cours. Il faut simplement que maintenant, comme l'activité a bien repris, oui. On puisse se revoir et puis en parler. D'accord. Mais effectivement, on a utilisé 150 photos de ma collection de 4000. Donc, il en reste encore. Il y en a encore quelques-unes à exploiter. Michel, un grand merci de nous avoir accordé du temps pour répondre à mes questions. Ah, c'est moi qui vous remercie. Et pour ce premier exercice, pour moi, de parler de photos à la radio. Nous allons clôturer cette émission avec le caprice de la semaine. Cette semaine, on va aborder un thème léger. C'est le dernier livre d'Aurélie Valogne qui s'appelle « La Ritournelle » aux éditions Fayard. Alors Aurélie Valogne est très connue dans le paysage littéraire français. Elle nous a fait plein de petits romans comme ça, enjoués, enlevés et plutôt drôles, hein, parce qu'on peut toujours s'identifier aux personnages qu'elle utilise. On a eu Mémé dans les orties, En voiture Simone par exemple. Et là, c'est La Ritournelle qui est sortie début mars 2022. Alors La Ritournelle, c'est quoi? C'est l'histoire de la préparation d'un réveillon de Noël chez une jeune femme qui est mariée avec un mari qui regarde ça de très très loin. Deux enfants survoltés, une mère extrêmement possessive et acariâtre, un beau-père qui s'invite chez eux comme on va au supermarché, et puis un frère très effacé. Et tout ça, ça va donner quoi? Ça va donner une explosion familiale où tout le monde va se disputer, mais pour la bonne cause, parce qu'au final, tout le monde découvre qu'on peut être tous très différents d'une même famille, mais s'aimer quand même. Et toutes ces fissures-là, voilà, peuvent aussi rapprocher. Moi, je le conseille. On est dans une période un petit peu tendue, surtout par rapport à l'actualité. Et je pense que ça peut être bien un petit peu de se rafraîchir les idées. Aurélie Valogne, pour la petite histoire, est traduite en 15 langues. Et certains de ses romans vont être adaptés au cinéma. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site www.fadjet.net et sur le site capricedelecture.fr. À très bientôt. Au revoir.